Ah, Chara, tu fais la gueule ou quoi? Voulu faire du rock'n'roll, mais elle n'a pas voulu. Putain, ça leur plaisait aux deux solistes. Hein. Je te jure qu'ils étaient partis à fond. Hein. Fais gaffe, il arrive! Ah non, c'est digue. La digue du cul. Non, fais pas faire ça. Ok Cyril, je vais t'écouter. Même muté. Je vais jouer sans me faire écouter. Je vais me faire tout petit.